11h du matin, Nouvelle-Orléans, je déambule solo dans le quartier de Trémé. Les nouvelles viennent d'annoncer l'ouragan, l'air est lourd, le ciel est noir, interdit de traîner. Le couvre-feu est prévu pour 19h, mais les gens d'ici n'ont pas trop l'air inquiets. Ils disent avoir connu le pire avec Katrina et les crimes pour savoir qui contrôle leur intérêt. Ils font la fête et me proposent de trinquer. Y'a de la bonne humeur à profusion. Les musiciens s'amusent en improvisant. Tous les voisins se fournissent en provisions. La troupe est complètement prête, joue de la trompette en pleine tempête. Et le journal s'était peut-être trompé, mais je cours de la tête aux pieds trempés. L'ouragan est passé à quelques miles, les zones autour du port sont inondées. Loin de mes terres, d'humeur sentimentale, y'a pas que la peur que j'ai senti monter. Loin de mes terres, je n'ai pensé qu'aux miens, je n'ai que leurs souvenirs et leurs invocations. Étrange comme on ressent des pulsions d'amour au contact de la mort ou de son évocation. L'Européen oublie trop souvent qu'il n'est rien face à la nature qui reprend ses droits. T'en as deux pensées qui tournent dans ma tête, j'en attrape une au vol et je repense à toi. Et si les cyclones étaient la somme de tous les derniers soupirs de la terre? Et si les tremblements de terre étaient la somme de tous nos premiers pas? Et si les cyclones étaient la somme de tous les derniers soupirs de la terre? Et si les tremblements de terre étaient la somme de tous nos premiers pas? 11h du matin dans Tokyo, je me perds seul. C'est une autre énergie que je perçois. Est-ce pour ça que j'aime trop cette ville? Ou bien parce qu'ici je ne suis personne? Si tu n'es pas là, mais ton souvenir me suit où que j'aille. Et ça me fait mal. Rien d'étonnant qu'en japonais l'amour se dise aïe. Faisons la guerre pour être trempé. Faisons notre vie sans suspicion. Hier la terre a tremblé, secouant la ville en suspension. Le séisme était de faible magnitude, mais assez pour me rappeler qu'on partira. Ça serait dommage de finir sur une dispute. Si je pars avant, est-ce que tu compatiras? L'Européen oublie trop souvent qu'il n'est rien face à la nature qui reprend ses droits. Collision de pensée qui secoue ma tête, j'en attrape une au sol et je repense à toi. Et si les cyclones étaient la somme de tous les derniers soupirs de la terre? Et si les tremblements de terre étaient la somme de tous nos premiers pas? Et si les cyclones étaient la somme de tous les derniers soupirs de la terre? Et si les tremblements de terre étaient la somme de tous nos premiers pas? Ça voudrait dire qu'on est tous liés. J'ai l'impression qu'on est tous liés. Ça voudrait dire qu'on est tous liés. J'ai l'impression qu'on est tous liés. J'ai l'impression qu'on est tous liés. On est une infinité de voix discordantes qui deviennent juste une fois chantées en chœur.